Chapitre 5e. À l'époque où se produisit cette crise dans la vie de Jacques, André arrivait à la fin de sa 16e année. S'il faut entendre par éducation soignée, celle qui a coûté fort cher, la jeune fille n'avait pas à se plaindre de ses parents. Son père et sa mère n'avaient pas plus économisé sur son instruction que sur ses toilettes. Elle eut de bonne heure les professeurs à la mode, comme le couturier et la modiste en renom. Son maître de danse fut le fameux Nikolski, qui passait pour un héros de la dernière insurrection polonaise. Cet ancien faucheur, devenu la destinée à de ses fantaisies, professeur de maintien, prenait on ne sait quel air chevaleresque dont ses élèves raffolaient quand il esquissait un pas en se donnant la mesure avec sa pochette. Elle eut les leçons de dessin du célèbre peintre Magnus Dupont, qui avait ouvert un cours dans son bel atelier tout rempli de tapisseries, d'étoffes bariolées et de bibles rares. André y retrouvait la plupart de ses compagnes du cours de danse, car Magnus Dupont avait été adopté par la finance, le haut commerce, et l'on devait aller chez lui si l'on ne voulait courir le risque de passer pour de petits bourgeois sans le sou. Les jours de dessin étaient jours de fête pour ces demoiselles. Elles arrivaient à l'atelier, leur album de toile grise sous le bras, trottant menu le long des murs, curieuses, pressées, avides de revoir le bel atelier et le beau peintre à la barbe soyeuse taillée en pointe. L'estrade qui sert au modèle les préoccupait fort. « Rosine, est-ce vrai qu'elles sont toutes nues, dites ?»« Oui, ma chère. »« Oh, comment osent-elles ?» Et des rires étouffés partaient ça et là, provoqués par de petites idées folâtres dont il faut s'accuser à confesse. Comme Nikolski, Magnus Dupont avait une légende qui le grandissait aux yeux de ses élèves et mettait sur ses longs cheveux noirs, légèrement ondulés, une mystérieuse auréole de poésie. Le bruit courait qu'une grande dame était devenue éperdument amoureuse de l'artiste tandis qu'il faisait son portrait. On se racontait tout bas qu'il l'avait enlevée, qu'il s'était battu en duel pour elle. Aussi inspirait-il le plus vif intérêt. Elle le trouvait charmant et plein de séduction, avec sa voix vibrante, ses fines moustaches insolemment retroussées, ses grands cols, ses larges cravates négligemment nouées, son veston de velours noir, ses manchettes de batiste, tuotées comme le jabot de sa chemise, ses mains nerveuses et l'ongle démesurément long de son petit doigt. Lui faisait le beau, tendait le jarret, prenait des poses, se promenait entre les rangs de pupitres en caressant sa barbe, jetait un conseil par-ci, un compliment au reproche par-là. Parfois, il s'arrêtait auprès d'une de ses plus jolies élèves et, penché sur son épaule, frôlant presque de sa poitrine les cheveux de la jeune fille, il arrondissait gracieusement le bras, comme pour la prendre par la taille, et d'un coup de crayon, rectifiait un nez ou remettait un œil à sa place. Plus d'une avait senti de petits frissons lui courir des épaules à la nuque quand l'haleine du beau peintre passait, tiède et caressante, près de sa joue. Elles s'aperçurent qu'il parfumait ses mouchoirs d'une essence musquée très capiteuse, dont l'arôme subtil flottait autour de lui, et à de certains jours les rendait nerveuses. André découvrit le nom du parfum, en acheta un flacon, et fut aussitôt imité par la plupart de ses compagnes. Quelques mamans crurent bien remarquer que leur fillette prenait un peu plus de goût qu'il n'était nécessaire aux arts du dessin, et se demandèrent si c'était la leçon ou le professeur qui plaisait si fort à ces demoiselles. Mais le moyen de quitter le cours sans avoir l'air de reculer devant le prix du cachet. Or, dans le monde de la finance, si la première préoccupation est de gagner beaucoup d'argent, la seconde est de paraître en dépenser plus encore. L'honneur du million le veut ainsi. Comme la danse et le dessin, la musique fut enseignée à André par un professeur à la mode. Mademoiselle Passemard avait l'oreille assez juste et un contralto qui promettait pour plus tard de très belles notes graves. Mais elle ne possédait guère que des moyens matériels. Le sentiment musical dans ce qu'il adora est exquis, dans ce que le conservatoire même ne donne pas, quand la nature l'a refusé, lui faisait défaut. Elle retenait fort mal la musique, parce qu'elle ne la sentait point, parce que jamais la divine rosée de l'harmonie ne pénétrait jusqu'à son cœur. Irritée de cette impuissance, elle travailla avec acharnement et à force de persévérance, grâce aussi à l'habileté qu'elle mit dans le choix de ses morceaux, elle parvint à faire illusion et remplaça de son mieux le don par l'étude. On la félicitait de son talent précoce, mais André avait assez d'intelligence pour savoir ce qui lui manquait. Toute jeune encore, elle éprouvait déjà cette souffrance vague qu'inflige à certains esprits la conscience de leur stérilité, et aurait donné tout ce qu'on lui avait enseigné pour obtenir en échange un peu de ce qui ne s'apprend pas. Elle se dégoûta du piano, lui reprochant d'être un instrument sans âme, comme font tous ceux qui ne savent pas lui prêter la leur, et se mit à apprendre la sitar. Les études de littérature, d'histoire, de science, de langue vivante qu'on lui fit faire eurent pour but non l'ornement de son esprit, mais l'obtention de ce brevet que la mode exige des jeunes filles depuis quelques années, et en l'honneur duquel on les soumet au même procédé d'entraînement intellectuel que les futurs bacheliers. On lui apprit de tout un peu. On mit sur son ignorance une mince couche d'instruction. Mauvais badigeonnage qui ne tient pas le jour de l'examen passé. Quelques jugements puérils sur les écrivains et les œuvres des deux derniers siècles, des radotages niais à propos d'histoire de France, une mixture de dates et de formules relatives à celles des autres pays, la pratique des procédés nécessaires pour faire machinalement quelques opérations d'arithmétique, 50 mots d'anglais, l'art de résoudre certaines difficultés d'orthographe ou de ponctuation, tel fut le profit qu'elle tira des leçons de son institutrice. J'oubliais une jolie écriture anglaise menue, allongée, qu'elle savait à merveille transformer en ronde ou en bâtarde, la science des pleins vigoureux et des déliés agiles. Enfin, une connaissance approfondie de toutes les embûches que la perfidie de l'auxiliaire peut tendre aux participes. On lui avait fait étudier pendant 6 mois au moins ce dogme mystérieux de la grammaire française, la règle des compléments, dont les vieilles institutrices, casuistes en orthographe, connaissent seules toutes les ineptes subtilités. André venait de passer brillamment son examen. Son père et sa mère étaient encore tout fiers de ce succès. Mais ni l'un ni l'autre n'attribuaient à l'instruction une vertu propre. Ce qu'ils appréciaient en elle, c'était ce brevet conquis par leur fille et qu'ils remboursaient, en monnaie de vanité, de leurs frais de livres, de leçons et de cours. Plein du lourd dédain des ignorants pour les choses de l'esprit, ils ne soupçonnaient pas que l'instruction, administrée avec intelligence, prépare et facilite la grave métamorphose de la jeune fille en épouse, puis en mère. Qu'elle fait de cette jolie créature frivole, la digne compagne qu'un mari souhaite pour lui-même et l'éducatrice dont il a besoin pour ses enfants. Que la littérature donne aux femmes plus de bons que de mauvais conseils. Que le livre est l'ami du foyer, l'allié naturel de l'époux, l'exorciste des tentations mauvaises qui naissent du désœuvrement. Que la femme, enfin, a des chances d'être aimée mieux et plus longtemps quand le soin qu'elle prend de son esprit, comme de sa beauté, engage le mari à donner une douce cohabitation intellectuelle comme complément à la communauté de la chambre nuptiale. Vraiment, ils pensaient bien à toutes ces choses, les Passemarts. Leur vanité avait suivi la marche ascendante de leur fortune. Tous deux, l'homme et la femme, étaient bouffis de la satisfaction d'eux-mêmes et gonflés jusqu'à éclater de leur importance. L'éducation qu'ils donnèrent à leurs enfants fut un chef-d'œuvre d'imprévoyance et de sottise. Madame Passemarts n'avait pas même attendu la 16e année de sa fille pour traîner cet enfant au théâtre, dans les concerts, dans les salons des gros négociants et des riches banquiers juifs. Puis elle se mit à recevoir dans son hôtel du boulevard Malesherbes. Elle donna de petites fêtes, fit chanter André devant les invités, et rêva bientôt de lui voir jouer la comédie de salon. La jeune fille prit goût à cette existence toute de représentation, remplie par le frivole souci de paraître et de faire parler de soi. Elle y perdit je ne sais quelle fleur délicate de naïveté qui ne résiste pas plus au souffle du monde que le duvet des pêches au contact des doigts. Elle ne tarda pas à trouver ses compagnes sottes et ennuyeuses, se plaisait fort au contraire dans la société des hommes. Leur plaisanterie ne l'effarouchait point. Elle supportait leur regard avec l'assurance des jeunes filles qui ne savent rien ou qui savent tout, et essayait déjà sur eux sa beauté, avec la grâce perfide d'un jeune chat qui aiguise ses griffes sur l'écorce d'un arbre. À vivre de cette vie artificielle, André eut aussitôt fait de perdre le naturel que la timidité. Rien n'était simple en elle, car toujours préoccupée de l'effet à produire, elle prit de bonne heure l'habitude de s'observer, de composer son maintien, son sourire, ses paroles. Aussi eut-elle beaucoup de succès dès son début dans le monde. On lui trouva du piquant, de l'originalité, quelque chose de singulier qui parut au-dessus de son âge, et Madame Passemarts fut la plus heureuse des mères. Elle n'était pas la plus heureuse des filles. À leur insu, ses parents expiaient la faute qu'ils avaient commise de donner à leur enfant cette absurde éducation. ils avaient négligé de faire la discipline de son esprit. Et cet esprit rebelle était secrètement impatient de toute règle et de tout frein. Ils n'avaient pas jugé à propos de lui enseigner le respect. Elle les trouvait vulgaires et communs. On avait développé en elle la vanité. Par vanité, elle rougissait de sa famille. On lui avait proposé pour but les succès mondains. Elle ne rêvait plus maintenant que de chanter ou de réciter des vers en public. Afin de soulever encore ses murmures flatteurs, ses applaudissements gantés dont le souvenir enivrant la poursuivait. Depuis qu'elle était en âge de comprendre, elle n'entendait son père parler que de ses gains, de l'augmentation de ses revenus, de coups de bourse, de fructueux placements. Le soir, à table ou au salon, Passemart mettait sa femme au courant des affaires de la journée. Ses épanchements éveillaient l'idée d'un sac d'argent qui crève. Madame Passemart contemplait son Hector avec une admiration béate et se demandait parfois comment un seul homme avait eu assez de génie pour opérer une si miraculeuse multiplication des pièces de 100 sous. Lui, cependant, jonglait avec les millions, tout en marchant à grands pas dans le salon, parlait de monter de nouvelles entreprises, d'élargir ses combinaisons, d'acheter des terrains, de bâtir des cités ouvrières, de créer une banque. L'odeur de son or le grisait. Il perdait terre, en proie à l'ivresse des spéculateurs heureux, et ne pouvait plus penser qu'à gagner, à gagner toujours, comme d'autres ne pensent qu'à boire sans cesse. André assistait chaque jour au spectacle de ces âpres convoitises de millionnaires inassouvis. Jamais on ne lui parlait de ses devoirs présents de fille, de ses devoirs futurs d'épouse et de mère. L'argent, toujours l'argent, et rien que l'argent. Elle sut que l'honneur est une certaine exactitude à ouvrir sa caisse le jour des échéances, et que les bénéfices de 200% n'ont pas caractère usuraire. André prit ainsi le respect de la fortune. Mais elle s'en cachait soigneusement, affectait au contraire de la dédaigner, se donnait volontiers de petits airs détachés quand on parlait écus et faisait semblant d'ignorer si tel objet coûtait 20 sous ou 20 francs. Bien qu'elle appréciât fort les avantages de la richesse, elle savait mauvais gré à son père de n'être qu'un parvenu et de trop le laisser voir. Elle avait un peu honte de se sentir fille d'un commerçant et rougissait de colère toutes les fois que Passemart racontait avec orgueil ses modestes débuts de petit épicier aux Batignolles, sans oublier le coup des jambons d'Amérique, dont il était encore fier après 18 ans écoulés. Plusieurs fois, des querelles s'étaient élevées à ce sujet entre le père et la fille. Celle-ci avait été jusqu'à déclarer que le commerce lui faisait horreur, que jamais elle n'épouserait un industriel ni un négociant. « Un prince, alors, sans doute, » disait Passemart. « Il faut un prince pour mademoiselle. » Et il se mettait à ricaner, ce qui crispait horriblement les nerfs d'André. « Allons, allons, » dit-il un jour en tapant sur son gousset. « On a de quoi t'en offrir un si tu y tiens absolument. Ça se trouve un prince en y mettant le prix. » La religion aurait pu lui être d'un grand secours, car elle a quelquefois la vertu de comprimer les révoltes des esprits orgueilleux. Or, il y avait de l'ange rebelle dans cette jeune fille. Mais M. Passemart était plein de défiance à l'égard de la religion. Il faisait profession de ne pas aimer la calotte, croyait le plus sincèrement du monde à une vaste conspiration cléricale dirigée par les jésuites et qui l'épouvantait, bien qu'il ne parvint pas à en discerner très nettement le but. Il savait à propos parler de l'Inquisition, de la Saint-Barthélemy, du Syllabus et du petit Mortara. Toutefois, il n'eût pas fallu le pousser beaucoup sur chacun de ses articles, car il ne s'était jamais soucié de vérifier le contenu du formulaire libre-penseur que pendant tant d'années M. Havin lui avait fourni tous les matins. Il s'était contenté de l'apprendre comme on apprend le catéchisme, et il y croyait comme on croit au mystère. Autre chose est d'être libre-penseur ou de penser librement. À force de voir son père accablé sous le poids de lourdes et incombantes plaisanteries, les dogmes et les pratiques du catholicisme, le pape, les prêtres, les couvents, André commença bientôt à perdre le respect de la religion et la croyance aux naïfs enseignements qu'avait bercé son enfance. Elle essaya de raffermir sa foi ébranlée en lui donnant pour contrefort la piété maternelle. Mais Madame Passemart n'avait qu'une de ces bigoteries étroites dont la puérilité éloigne de la religion plus qu'elle n'y ramène. Elle s'était fait une dévotion à son image, sotte et vaniteuse, allait à la messe moins pour prier que pour s'y faire voir, exhiber ses chevaux et sa livrée, communiait à Pâques afin d'édifier le monde et ses domestiques, croyait aux cierges bénis, aux scapulaires, aux guérisons miraculeuses et aux conversations de la Sainte Vierge avec de jeunes bergères. Lorsque sa fille lui fit part des premières alarmes de sa foi, cette fausse chrétienne ne put trouver, pour calmer la jeune âme inquiète et souffrante, que des doléances sur l'impiété des hommes. Entre l'incrédulité libre-penseuse de son père et la piété mesquine de sa mère, Andrée ne pouvait guère résister au doute qui si vite élargit et change en brèche les premières lézardes d'une foi chancelante. En effet, il ne resta plus en elle que les ruines de sa croyance. Le mal n'eût peut-être pas été irréparable si, à défaut de règles divines, ses parents avaient eu soin de la pourvoir de quelques solides préceptes de cette morale humaine qui sert en somme la même cause que la religion. Ils n'y songèrent même pas, par la raison que ni l'un ni l'autre ne soupçonnait ce que peut être un enseignement de cette sorte. Non qu'ils fussent, le père un coquin, la mère une malhonnête femme. Mais ces deux natures également vulgaires étaient également incapables d'assumer cette tâche délicate entre toutes qu'est la formation d'une âme. Ainsi, l'être moral d'André resta en détresse dans une nuit profonde où ne brille ni la douce lueur indicatrice de la foi chrétienne, ni même ces fanaux d'un éclat plus modeste que la sagesse humaine allume dans le voisinage des écueils. Ah, comme elle aurait eu besoin d'un pilote, la pauvre abandonnée. Elle ne le trouva pas. André pourtant avait un frère, et c'est le devoir des frères aînés de guider les petites sœurs. Rien n'est-il plus charmant que d'être institué par la nature ami, confident, éducateur et gardien d'une jeune âme. Malheureusement, Maxime ne sut pas s'acquitter de ce doux préceptorat. Son influence sur André, loin d'être salutaire, fut corruptrice. Il n'y avait dans ce gros garçon, d'une lourde et insupportable gaieté, ni délicatesse de sentiment, ni élévation de pensée. Deux vulgarités, celle de son père, celle de sa mère, confluaient en lui. Son rôle dans l'éducation d'André fut seulement de donner à sa sœur des notions déplorablement précises sur ce que les jeunes gens appellent s'amuser, de l'initier au jargon des courses, de lui inspirer du mépris pour la tranquille vie de famille, de l'encourager enfin à n'estimer, après les jouissances du luxe, que la vaine gloriole d'attirer sur soi les regards du monde. Ainsi, entre la grossièreté de son père, la nullité vaniteuse de sa mère, la sottise épanouie de son frère, André avait grandi, dédaigneuse et ennuyée. Cette éducation fit d'elle une petite femme sans jeunesse, sans naïveté, sans illusion, sans gaieté, sans entrain, sans abandon, ne respectant rien et ne croyant à rien, si ce n'est à l'excellence de l'argent, n'appréciant avec la fortune que les satisfactions de la vanité, pleine d'une ambition qui réclamait seulement l'éclat et le bruit, affamée de flatterie, redoutable moins encore par sa beauté que par les raffinements d'une froide et précoce coquetterie. Elle avait deviné l'amour de Jacques avant que le jeune homme se le fût avoué à lui-même. Par désœuvrement et par instinct pervers, elle se plut ensuite à l'entretenir, mais sans lui fournir d'autres gages que ses regards, ses sourires, ses caresses de la voix, ses faibles pressions de main, artifice perfide qu'une femme emploie quand elle veut prendre un cœur sans donner le sien. Après la guerre, lorsque Jacques, ayant terminé brillamment ses études, eut quitté le lycée, André continua ce manège et eut la satisfaction de voir grandir encore la passion qu'elle avait inspirée. Un jour, après le succès de son concours d'admission à l'école des beaux-arts, Jacques, se trouvant seul avec elle, avait enfin osé faire l'aveu qui, depuis si longtemps, brûlait ses lèvres. Il laissa ruisseler devant elle l'amour qui, goutte à goutte, s'était amassé dans son âme. Il lui conta sa jeunesse solitaire, mélancolique et laborieuse, ses espérances et ses découragements, le rêve qu'il avait fait d'illustrer son nom, d'arriver pour elle à la gloire et à la fortune. « André, disait-il, je vous aime. Vous acceptez, n'est-ce pas? Le don de ma vie que l'enfant vous a fait, que l'homme ne pourrait plus aujourd'hui vous reprendre. Dites-moi que vous m'attendrez, et laissez-moi espérer. » Elle l'interrompit d'un geste, et plongeant dans les yeux du jeune homme un de ces regards étranges qui l'enivraient, de sa voix mélodieuse et grave, elle dit seulement « Ami, ne savez-vous pas que vous êtes mon frère d'élection ?» Puis elle passa doucement, d'un air de tendre espièglerie, une rose qu'elle tenait à la main sur les lèvres de Jacques et sortit de ce pas léger qui faisait dire qu'elle glissait au lieu de marcher. Le pauvre naïf se crut dès lors uni à la jeune fille par on ne sait quelle fiançaille mystique. S'il n'avait point été aveugle, il aurait mieux discerné ce qui se passait en elle. Or, André, sans rester tout à fait insensible à la mal-beauté de Jacques, à l'ardeur et à la fidélité de son amour, n'était point disposé à l'épouser. Pour remplacer la fortune qui lui manquait, aussi bien que le nom, le fils du contremaître Henriot n'avait encore que des espérances de talent. La jeune ambitieuse ne pouvait donc pas compter sur lui pour trouver dans le monde la grande situation qu'elle rêvait. D'ailleurs, le mariage alarmait un peu les instincts d'indépendance qu'une éducation imprévoyante avait singulièrement développée en elle. Se sachant belle et riche, André n'entendait pas se presser de faire un choix. Depuis son admission à l'école des beaux-arts, Jacques n'avait plus voulu rester à la charge de M. Passemart. Il prit une chambre avec un atelier près du Luxembourg et vécut d'une petite rente, fruit des économies du contremaître, placé avantageusement par le raffineur à la mort de Firmin Henriot et capitalisé jusqu'à la majorité de son fils. Deux ou trois fois par semaine, le jeune homme venait dîner et passer la soirée à l'hôtel du boulevard Malesherbes. On l'y recevait avec une bonhomie cordiale qui laissait trop paraître qu'on ne voyait pas en lui un candidat à la main d'André. Plus d'une fois, il avait été question en sa présence de projets de mariage pour la jeune fille. Toujours, elle avait élevé des difficultés et fini par rejeter les parties proposées. Jacques en était arrivé à croire par moments qu'elle se réservait pour lui, bien qu'elle n'eût pris aucun engagement à cet égard. Si ce n'est pas en prendre que de glisser un regard caressant vers l'homme qui vous adore en disant d'une voix ennuyée et câline « Non, plus tard, je ne vais épouser qu'un homme de talent et qui m'aime. » Jacques vivait ainsi dans une incertitude douloureuse ou enivrante, selon que le doute ou l'espoir l'emportait en lui. André savait le relever lorsqu'elle le voyait abattu, le contenir lorsqu'il semblait prêt à se donner carrière. Elle pratiqua à merveille cette haute école de la coquetterie qui ne rend la main que pour serrer les rênes aussitôt et fait concourir au dressage d'une passion les propriétés contraires de la cravache et du mort. L'abandon et la réserve, l'affection et la froideur, la câlinerie et l'indifférence étaient combinés avec un art d'autant plus redoutable qu'il se dissimulait soigneusement sous les apparences de la camaraderie. Jacques, étourdi, dompté, en était venu à ce point de résignation docile qu'il acceptait sans se plaindre, en échange de sa pure tendresse, cette amitié ambiguë qui est la fausse monnaie de l'amour. Telle était la situation respective des deux jeunes gens lorsque M. de Garamante vint faire à Mme Passemart cette visite, au cours de laquelle sa perspicacité d'homme qui connaît la vie et qui observe beaucoup ne tarda pas à discerner le manège d'une jeune coquette dépourvue de sens moral aux dépens de la paix d'un cœur simple et grand. Le comte n'eut pas de peine à voir que si Jacques avait mis un gros enjeu, il n'en était pas de même d'André. Or, ce galant homme n'aimait pas qu'on trichât. Il se promit de surveiller la partie.